Vous êtes toujours à l'écoute de Futur Simple sur CKRL au 89.1 et on va finir comme on l'a commencé sur un sujet culinaire, cette fois-ci pour parler de la viande synthétique. Pour nous en parler, nous retrouvons Bruno Gaillet. Les auditeurs habitués de Futur Simple de l'année dernière se souviennent peut-être de ce chroniqueur. Il est professeur en génie chimique à l'Université Laval, mais donc aussi chroniqueur à Futur Simple. Bonjour Bruno. Bonjour Valérie. Alors tout d'abord, de la viande synthétique, est-ce que c'est une curiosité de laboratoire ou est-ce qu'il y a un réel besoin dans le monde de fabriquer de la viande synthétique? Tout dépend de quel point de vue on se place. En fait, d'un point de vue technique, faire de la viande artificielle, c'est faisable. Mais on va dire, sur un plan purement économique, ce n'est absolument pas envisageable pour l'avenir. Mais c'est sûr qu'il y aurait un besoin pour d'autres sources en fait alimentaires à base de viande. Parce que si on regarde un petit peu les prévisions de la, par exemple l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, donc la FAO, prévoit que en fait en 2050 il y aura besoin de 465 millions de tonnes de viande, ouais. Versus 229 millions de tonnes actuellement. D'accord. Et sachant qu'en fait, l'élevage intensif, industriel, ça pollue beaucoup, ça demande des grandes quantités d'eau, ça émet des gaz à effet de serre pour à peu près 20% des émissions de gaz à effet de serre à l'échelle mondiale, c'est issu de l'élevage. Et surtout, ça mobilise 70% des terres agricoles. Bah oui. Donc, c'est certain que d'autres alternatives doivent être envisagées que l'élevage, mais on peut, la viande synthétique ne serait peut-être pas forcément la meilleure solution. Mais donc, c'est quand même une alternative qui a été envisagée par certains, peut-être? Oui, en fait. Il y en a qui sont posés cette question. Est-ce qu'on peut faire de la viande synthétique? Techniquement, oui. Mais il faut voir que la façon dont la viande a été faite pose beaucoup de questions, en fait. D'un point de vue éthique et d'un point de vue scientifique également. Puisque, en fait, ça a été fait très, très récemment. Là, il y a une... On va dire, résumer ça comme un coup de publicité qui a été fait début août 2013, ouais. Où en fait il y a un chercheur de Mark Post, en fait de l'université de Maastricht en Hollande, qui a plus ou moins participé, on pourrait dire, à une émission culinaire où ils ont fait déguster un hamburger fait in vitro à un panel de spécialistes pour avoir en fait leur avis. Donc ça ressemblait un peu plus à une émission de cuisine en fait une émission scientifique. Où ils essayaient plus de vendre le fait que la viande synthétique c'était l'avenir, alors qu'en fait il y a beaucoup beaucoup de questions qui restent à poser, notamment vu que c'est quelque chose quand même qui est fait en laboratoire, qui est fait d'une façon scientifique. Il n'y a eu aucune publication par exemple là-dessus. Il n'y a pas eu de publication sur comment sur le protocole ou sur la façon dont ça a été fait. Rien du tout. Ah oui, tiens, c'est quand même surprenant. C'est pour ça que beaucoup pensent que c'est un coup de pub, surtout quand on regarde que ces travaux ont été financés en fait par le fondateur de Google. Ah ouais. Donc c'est assez spécial la façon dont ça a été présenté. Là. Mais c'est certain que si on regarde juste d'un point de vue théorique. Ouais. Faire de la viande artificielle présenterait certains avantages, comme par exemple, tout le monde se réfère à une publication qui a été écrite en 2011 par Tuo Misto, une chercheure en fait d'Angleterre, qui dit que la viande qui serait faite de façon artificielle prendrait par exemple, en comparaison avec la viande qui est produite en fait à partir d'animaux, il y aurait 45 de 7 à 45% d'énergie en moins qui serait nécessaire pour produire cette viande, 96% d'émissions de gaz à effet de serre qui seraient aussi diminuées, et pareil au niveau des terres cultivables et la quantité d'eau utilisée. Donc c'est certain que de ce point de vue-là, il y aurait des avantages. Ouais. Mais d'un point de vue scientifique et d'un point de vue éthique, il y a un paquet de choses qui n'ont pas été abordées. Qui là font vraiment très peur. Là. Comme par exemple des problèmes éthiques ou qu'est-ce qu'il y aurait comme problème? Déjà, il faut savoir, juste pour résumer grossièrement, comment on fait de la viande. Comment on fait ça? Donc en fait, on prélève des cellules souches chez les animaux. Donc ceux qui disent que, par exemple, l'Association de défense des droits des animaux, la fameuse PETA, qui dit que avec cette alternative, on n'aurait plus besoin d'animaux, c'est pas vrai. Ah ouais. Donc il faudrait déjà les animaux au départ pour prélever les cellules souches. Mais il y en aura peut-être besoin de moins, par exemple, parce qu'avec avec des cellules prélevées, on va les faire pousser ensuite en laboratoire, donc il y en aura peut-être besoin de moins. On aura besoin de moins à cette étape-là, mais ensuite, quand on cultive, une fois qu'on a prélevé les cellules, il faut les cultiver dans un milieu de culture, ce qui est déjà très très complexe. Mmh. Et ce milieu de culture nécessite en fait du sérum qui provient de bovins. Ah oui. Donc on aurait besoin de bovins pour cultiver ces cellules-là. Mmh. Donc de ce point de vue-là, c'est limite, on pourrait dire. Et surtout, bah, la façon dont on produit ces cellules-là, comme je dis, on les fait ça in vitro, à l'extérieur en fait, de l'animal. Mais le fait de cultiver ces cellules-là in vitro peut engendrer tout un tas de modifications génétiques dans ces cellules-là, mm-hmm. qui fait que ces cellules-là, au final, vont produire, par exemple, des molécules qui vont induire le cancer. Mm. Donc, on va se retrouver avec une structure de viande qui aura l'aspect de viande et peut-être éventuellement le goût de viande. Mais la composition de cette viande-là, est-ce que ça va contenir des molécules, par exemple, qui vont induire le cancer ? Ça, il n'y a aucune étude qui a été faite là-dessus. Ouais. Et surtout, quand on regarde cette approche-là, en fait, de culture de cellules in vitro, c'est la même chose que ce qui est fait actuellement, par exemple, pour les cellules de peau, ouais. pour les grands brûlés. C'est un peu le... Je ne dis pas que la démarche est la même, mais ça revient à cultiver des cellules à l'extérieur du corps et ensuite de les réinjecter. Mm-hmm. Mais il faut voir, les autorités réglementaires, ce qu'elles exigent comme contrôle de qualité avant de réinjecter chez le patient. Mm-hmm. Alors mm-hmm. que là, on se retrouve avec quelque chose... Je pense que c'était incroyable de voir, par exemple, les panélistes qui goûtaient la viande manger cette viande. Mm-hmm. C'était tout bonnement incroyable, puisqu'il n'y avait aucun contrôle par rapport à l'innocuité de ce produit-là. Ben oui, c'est ça. On n'a aucune idée, finalement. Il n'y a pas d'études de fait sur la qualité nutritionnelle, sur l'innocuité, sur une quelconque toxicité. Il n'y a eu aucune étude de fait. C'est ça. Il n'y a rien qui a été fait. Donc, ouais. voir les gens manger ce type de produit, puis surtout voir le chercheur recommander qu'il donnerait ça à ses enfants... ouais. C'est assez incroyable comme histoire, en fait. Ouais, c'est assez surprenant, d'ailleurs, quand on sait tout ce que ça demande comme vérification sur bon, tout ce qu'on appelle les aliments nouveaux, hein, que ce soit les OGM ou tous les autres. Il y a quand même pas mal de vérifications qui sont demandées. Puis là, il n'y a rien eu de fait sur cet aliment-là. Ça ressemble, comme je dis, à un produit. En fait, ça ressemble à un médicament de nouvelle génération. Mm-hmm. Ça ouais. suit le même processus, sauf que le processus pour faire un médicament de nouvelle génération, ça prend 15 ans. Ouais. ouais. Et il faut voir aussi qu'il y a une chose qui n'a pas encore été abordée, c'est combien ça coûte. Ouais, donc ça, ça coûte ouais. 340 000 dollars le burger. ouais. Donc avant de passer à l'étape, on va dire, à production à grande échelle, il va falloir réduire les coûts de façon assez drastique. Mais quand on fait de la culture de cellules in vitro, réduire les coûts, on peut aller, mais jusqu'à un certain point, ça coûtera toujours très cher. Mm-hmm. Donc c'est certain qu'au final, tout le monde ne pourra pas bénéficier de ça. Mm-hmm. S'il y en a qui peuvent en bénéficier, parce qu'on regarde un peu ce qui se passe avec les pays en voie de développement, c'est certain que cette technologie-là, ils n'y auront pas accès. Ouais, ouais. Et puis ceux qui ont accès vont peut-être encore avoir les moyens d'élever un vrai animal dans leur cours. C'est ça. Puis on va se retrouver avec les mêmes problèmes qu'on a eu un peu avec les céréales transgéniques, ouais. où là, c'est seulement quelques entreprises qui auront l'expertise pour faire ça. Mm-hmm. Ça fait qu'ils auront un petit peu le contrôle sur la viande artificielle, mm-hmm. un peu comme le contrôle sur les céréales. Mm-hmm. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses là qui n'ont pas été abordées dans ce type de... Dans cette publicité, si je pourrais dire. Là. Mais c'est sûr que d'un point de vue théorique, c'est faisable, mais avec énormément de contrôle. Mm-hmm. Mais par contre, comme je disais, les coûts ne pourront pas être baissés de façon à ce que ça soit rendu mm-hmm. commercialisable, en fait. Mais un coût publicitaire, pour qui, finalement? Qui bénéficie de cette publicité? Je pense que, mon opinion, là, c'est celui qui a financé l'étude. C'est-à-dire celui qui a cofondé Google. Ouais. Uh-huh. Puisqu'il était là lors de l'émission de Je pourrais dire culinaire. Il a fait beaucoup de pubs par rapport à ça. On ne sait pas aussi qu'il faut toujours se méfier un peu de ce genre d'études qui sont financées par le privé, où il n'y a aucune publication scientifique derrière ça. Uh-huh. Donc, il y a eu beaucoup de pubs qui ont été faites autour de Google. Donc, je pense que il faut mettre ça en... Peut-être mm-hmm. en relation avec eux. Oui. J'imagine qu'il va y avoir, s'il n'y a pas de publication, il y a peut-être des dépôts de brevets déjà qui sont en cours, des brevets qui sont déjà déposés là-dessus, par contre. Il y a peut-être des brevets qui ont été déposés, mais le problème, c'est qu'il n'y a aucune... Une fois que le brevet est déposé, la publication peut avoir lieu. Mm-hmm. Et normalement, dans un processus scientifique, si tu veux vraiment démontrer l'innocuité, il faut que tu arrives avec des données, Là, mm-hmm. là mm-hmm. les données, elles ne sont pas disponibles. Mm-hmm. Donc, surtout pour ce type de produit-là, c'est vraiment... c'est très très risqué ce type de d'approche là. Et est-ce que donc les promoteurs de cette viande synthétique, est-ce qu'ils parlaient d'une échéance? Bah, ils parlaient de 20 ans pour obtenir quelque chose de commercialisable. Mais 20 ans, c'est le temps que ça prend juste pour avoir quelque chose de, on va dire, sécuritaire. Ouais. Il y a pas, ils n'ont pas encore optimisé le procédé de production. En plus, les milieux de culture qu'ils utilisent pour cultiver ces fameuses cellules in vitro, comme je dis, c'est du sérum d'animaux. Ouais. Ce sérum peut contenir différents pathogènes, comme par exemple des prions, des bactéries, des virus. Donc, ça, c'est quelque chose, des contrôles qu'il faut faire en cours de route, et même éventuellement développer d'autres milieux pour cultiver ces cellules-là, où là, il n'y aurait pas de sérum. Mais ce type de milieu coûte excessivement cher. Donc, il y a énormément de travaux à faire avant d'arriver à quelque chose qui soit commercialisable. Et même si c'est commercialisable, comme on dit, est-ce que ça va marcher? Est-ce que le goût, on ne sait pas. C'est, par exemple, là, ils ont fait, le burger a été fait à partir de cellules souches de vache. Mais les gens, par exemple, qui aiment le gibier, il y aura différentes qualités de viande. Est-ce qu'on va retrouver ça avec ce type d'approche? Donc ça, c'est quelque chose aussi qui n'a absolument pas été envisagé, même présenté par rapport à ça. Donc, de ce que je comprends, c'est qu'il faudrait peut-être se tourner, chercher d'autres alternatives à la pénurie possible de protéines. Il faudrait peut-être chercher d'autres alternatives. Il y en a qui parlent de manger des insectes ou d'autres. Bah, en fait, il y a une approche que moi j'aimais bien, c'était ça qui était proposée par Tara Garnett, qui en fait est chercheur à l'université d'Oxford en Angleterre, qui elle disait que le problème en fait est vraiment ailleurs. Il n'y a pas forcément un problème de pénurie. Ah. C'est que ce qu'elle disait, c'est qu'il y a 1,4 milliard de personnes sur la planète qui sont obèses ou en surpoids. Alors qu'il y en a 1 milliard qui se couchent le ventre vide. Donc la solution, c'est peut-être pas forcément de produire plus, mais de changer le système d'approvisionnement et le prix de la nourriture. En fait. Ouais. Mais ça, par contre, ça fait des années qu'on le dit, puis apparemment, trouver cette solution, ça dépasse notre capacité d'innovation ou peut-être notre capacité de changement. Donc on va voir ce que ça va donner si jamais on réussit à trouver, à mettre en application des solutions. Mais en tout cas, merci beaucoup, Bruno. Puis, en tout cas, je suis un petit peu rassurée qu'on trouve pas prochainement de la viande synthétique sur les étalages, parce que je sais pas, personnellement, ça me dit rien du tout d'en manger. Déjà, même les chercheurs, les personnes, ils l'ont pas fini, le burger. Oui. Il a pas été terminé. C'est un signe. Alors, merci beaucoup, Bruno. Merci. Puis, merci, à une prochaine. Oui. Au revoir. Au revoir.